19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce magazine du métal, donc avec donc 2 heures de musique en furie pour vous décrasser les oreilles comme chaque semaine. Il y aura des nouveautés, bien évidemment, et bon, vous êtes bien gâtés cette semaine puisqu'il y en aura 5 quand même. Donc, de quoi dépenser un petit peu d'argent. Eh bien, si vous êtes bien installés, on va commencer tout de suite avec ce qui est une des agréables surprises de ce début d'année. C'est le premier album de Witcherius. Alors, si vous aimez les groupes très lourds, genre Electric Wizard, avec un peu de à la Mastodon, plein de choses. Enfin, toujours est-il que pour un premier jet, Ballet Français nous ont fait un album vraiment très intéressant et je pense qu'on entendra parler d'eux dans les années qui suivent. Donc, extrait donc de cet album éponyme, le morceau Blood qui ouvre Electric Shock ce soir. vraiment excellent ce premier album de Witcher Youth, c'était le morceau Blood. On va faire un petit tour maintenant en Scandinavie, en Finlande plus exactement, avec la première nouveauté de la soirée, avec un énième groupe de métal symphonique qui s'appelle Satra, qui vient donc juste de sortir son premier album, qui est sorti exactement le 23 février dernier, son premier album qui s'appelle Sand of Time. Et Satra d'ailleurs était en première partie de Therion, si vous avez pu aller voir Therion le 25 février à la machine du Moulin Rouge, vous avez pu l'occasion de voir ce que vaut ce groupe sur scène. Alors c'est vrai que dans ce cadre de métal symphonique, maintenant c'est tellement balisé que c'est très difficile d'être original. D'ailleurs Satra est loin d'être le groupe le plus original de la partie, ça c'est clair. Par contre, c'est très très bien exécuté, il y a une très bonne production, et donc voilà, ça le fait. Extrait de cet album, le morceau qui d'ailleurs est le single, c'est From the Night. Femme Fatale, c'est le titre et c'est également le titre de l'album du groupe cosmopolite qu'est Exit Eden, composé de trois divas, donc de la brésilienne Marina Lataurca de Phantom Edith, de la chanteuse allemande Anna Brunner et de la petite Frenchie chez nous, bien connue Clémentine Delaunay, qui officie avec Visions of Atlantis. Alors Exit Eden, qui a sorti donc son deuxième album et qui nous propose donc un mélange de reprises pop et de morceaux originaux. Celui-ci était un original. Ça va toujours ? Eh bien, on va continuer maintenant avec ce qui était des nouveautés la semaine dernière. C'est le coffret de Motorhead The Lost Tapes volume 1 to 5, contenant donc 8 CD et contenant donc 5 concerts inédits entre 1984 et 2008, donc des concerts bruts de pommes enregistrés directement en sortie de table sans fioritures. Ce que doit être un live, je vous le dis. Alors c'est vrai que les gens qui sont habitués aux lives enregistrés en multipiste, entièrement retravaillé en studio. D'ailleurs, on se demande si c'est pas juste un album studio auquel on aurait rajouté quelques cris de public histoire de faire croire. Là, ils seront quelque peu déçus. Par contre, c'est vraiment le son que vous avez si vous allez à un concert. Et puis, si vous avez eu l'occasion de voir Motorhead, vous savez ce que c'était. C'était vraiment une expérience. C'était le cas de le dire. Donc ce soir, on va faire un petit tour en 98, on va se faire un petit tour à Norwich, où le groupe était joué à l'université de East Anglia, qui était là pour promouvoir donc son album Snake Bite Love. Et on va s'en faire un petit extrait, mais avant, il y aura un extrait de l'album méconnu qui était Overnight Sensation, son prédécesseur, avec un petit brûlot qui s'appelait Civil War. My bass guitar is making my amps ill. You have to be personal. Civil War! This is a song from my new album, Snake Bite Love. Anybody bought it? Wow, almost 700. Well, play it to these other motherfuckers, maybe they get a brain. It's called Take the Blame. C'est bon. Take the Blame et Civil War, donc deux extraits du coffret The Lost Tapes, The Collection Volume 1 to 5 de Motorhead. Cet extrait donc du volume 2, enregistré à Norwich le 18 octobre 1998. Excusez-moi, ces inconvénients donc du live. Eh bien, si vous voulez bien, après cette débauche d'énergie, Electric Shock va se muer en Acoustic Shock et va revenir au EP Live de Messaline. Groupe de Bourg-en-Bresse qui pour son premier live nous a sorti un live acoustique Braconnier du silence, et on va se faire donc tout d'abord un extrait du dernier album qui s'appelait Vieux Démon, qui était sorti en 2022. Donc c'est le morceau L'aimante religieuse, donc toujours des textes poétiques. On sent que Ange a fait partie vraiment des grosses influences de ce groupe. Mmh. de masculine. Un instable suffit pour casser machine, tourner un lieu, paire de fesses en prime, et contrôler le feu qui enflamme la team. Lésé par le milieu, érection hérétique, et d'un geste de pieux, qui s'y prototypique, tu en perds ton latin, et aussi ton avant russe, qui t'est pour une cata, dévoué à ton phallus. De ce pas tunique, arrière ou volcarie, frustré libertine, crépusculaire, prosumère. Alchimiste de tous les temps. On a même dit qu'il avait découvert la pierre philosophale. Il a pu changer peut-être le plomb en or. C'est l'histoire de Maître Nicolas Flamel. We'll be right back. alchimiste, son âme se dame. La queue du dragon sous la porte, qu'il fait gratiller. Ceux de la fusion qui transporte, les impurs lacérés. De l'argent du mercure transmutant, vieil alambic, cuivre bouillant, hérésie du prière de mer. De l'argent du mercure transmutant, vieil alambic, l'or entre-temps, hérésie de maître de la mer. Maître de la mer. vous êtes pas trompé de station, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock, l'émission métal du mardi soir. Il y a tout simplement, c'était la pause Acoustic Shock à l'instant, puisqu'on s'est fait donc deux petits extraits du EP Braconnier du silence de Messaline, avec à l'instant Maître Flamel, un inédit, et le morceau, et les mantes religieuses qui étaient extraits de leur dernier album Vieux Démon, qui était sorti en 2022. Passons maintenant à la deuxième nouveauté de la soirée, quelque chose de beaucoup plus rock. Maintenant, de Bourg-en-Bresse, je vais vous emmener faire un tour dans la Drôme, retrouver un tout jeune groupe qui s'appelle Heavy Crown, qui vient de sortir la fin janvier son premier EP qui s'appelle Strange Things Can Happen. Donc c'est un mélange de rock, de punk, de rock alternatif, qui est pas mal foutu du tout. Et le morceau que je vous invite à découvrir ce soir, c'est Royal. Enslaved by Netflix and alcohol-free beers, a Justice Squad stands alone against resignation and boredom. De la Drôme au Tarn, ben y a qu'un pas, puis avec la radio, on le franchit même sans bouger de son fauteuil. À l'instant, donc Dirty Fonzie, donc groupe qui vient de célébrer ses 20 ans de carrière, extrait de leur dernier album Full Speed Ahead, c'était Running Out of Time, et Dirty Fonzie qui sera en concert à Orléans à l'Astrolabe le 5 avril prochain, en première partie des Shérifs. Juste avant, ça c'était une nouveauté, c'était le premier EP de Heavy Crown, Stranger Things Can Happen, et c'était le morceau Royal. Maintenant, je vais vous inviter à faire un petit tour dans les tréfonds de l'abîme, côté très noir, avec, si vous aimez les ambiances lovecraftiennes, avec un peu de black metal. Et pour ça, on va revenir à l'album de Aoratos, Ecclesia Gnostica. Et je vous invite à faire une ode au roi des éons. Bon, je crois qu'il y a un petit souci. Il ne veut pas partir, ce morceau. Donc, on va peut-être vous mettre autre chose de cet album. On va commencer. Eh oui, c'est les inconvénients du direct. Donc, bah non, ce ne sera pas le roi des éons, ce sera le hiérophante. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a un problème avec la platine numéro 1, car rien ne part. Donc, voilà, on va réessayer autrement. Hein. C'est, je vous le dis, c'est les inconvénients du direct. Donc, je réessaye le roi des éons. Lumière de lumière, des yeux de lumière. Bon, on a quand même fini par vous le passer quand même. Non, c'est quand même pas une machine qu'elle a nous emmerder quand même. Voilà. Aoratos avec son ode au roi des éons, extrait donc de Ecclesia Gnostica. Et bien maintenant, on va se passer à quelque chose de plus fun. Pour ça, on va revenir au premier album des Joyeux Dries de Heads Up, The Way of the Cure. Et on va se décrasser les esgourdes avec Let Me Go. Let me go. Vous avez reconnu Burnout, le classique de Green Day. Green Day, donc, qui vient de sortir un nouvel album et qui sera en concert à l'Accor Arena Hotel c'est au mois de juin prochain. Et là, donc, c'était une version, donc, de Burnout en démo qu'on peut trouver, donc, dans le coffret Dookie, sur le CD Demos on Outtex, sur le coffret, donc, de Dookie, qui était sorti pour les 30 ans de la sortie de cet album vraiment mythique. Juste avant Green Day, dans le même esprit potache, les petits Frenchies de Heads Up et leur premier album The Way of the Cure et le morceau Let Me Go. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec un groupe de rock français qui s'appelle Libre, qui a déjà sorti trois albums. Donc là, c'est le quatrième qui est sorti en fin d'année dernière, alors que c'est vraiment du rock, du bon rock. Si vous aimez le rock entre AC/DC et Téléphone, vous allez pas être déçu avec des paroles en français. Le morceau de ce soir, je sais pas si ça s'adresse à beaucoup de gens, c'est « Trop liquide ». Upon a revelation, hell ain't hard to find. Ça fait du bien à réentendre. C'était Ugly Kid Joe avec Helen Hard to Find, extrait de leur album Uglier Than They Used to Be, qui était sorti en 2015. Et Ugly Kid Joe qui sera en concert le 12 mars prochain au Trabendo à Paris. Juste avant, c'était la troisième nouveauté de la soirée avec le groupe Libre et extrait de l'album Fantôme, le morceau Trop Liquide. Et bien maintenant, on va refaire un petit tour du côté du EP de Last Quarter for the Hive. Et on va aller loin dans l'espace, puisque ben, d'ailleurs c'est le titre, c'est Deep into Space. Thank you. Il est vraiment excellent ce EP de The Last Quarter for the Hive, mais il n'a qu'un défaut, c'est qu'il n'y a que 4 titres malheureusement. C'était donc Deep Into Space, donc extrait donc de ce EP, sorti donc le 2 février dernier. Eh bien, si vous voulez bien, on va se faire la 4e nouveauté de la soirée. Et là, je vais vous inviter à faire un petit tour à Los Angeles, où on va découvrir un jeune groupe qui s'appelle Deep Within. Alors, Deep Within existe depuis 2020. Ils ont déjà fait pas mal de concerts, et apparemment, ils ont fait comme sensation. Parce qu'ils ont quand même ouvert pour des groupes comme quand même Quiet Riot, Adema, M-Lock et des autres, à des endroits mythiques tels que le Whiskey à Gogo, le Rainbow, le Viper Room. Or, Deep Within, c'est du métal moderne, on peut dire, hein, c'est clair. C'est pour tous ceux qui aiment Slipknot, Lamb of God, Rob Zombie, Bring Me the Horizon, Killswitch Engage. Voilà. Et cet album qui est vraiment très bien produit et vraiment pour un premier jet, très beau boulot. C'est sorti d'ailleurs chez nous, chez MNO, comme quoi MNO ne produit pas que des groupes français. Et d'ailleurs, le groupe va avoir l'occasion de faire leur première tournée américaine complète, en première partie de Max Cavalera et de son nouveau groupe Go Ahead and Die. Donc, il va falloir attendre un petit peu avant de les voir chez nous. Donc, extrait de cet album éponyme, on va s'envoyer une petite douceur qui s'intitule Fractured. People living life without the fucking problem. Now round. qui a dit que les Suisses étaient lents et plutôt mous? C'est pas le cas des Voice of Ruin, donc je suis très heureux de les reprogrammer. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé. Un petit extrait donc de leur dernier album Cold Epiphany, sorti en fin d'année dernière, c'était Bloody Salvation. Avant, de la Suisse aux États-Unis, il n'y a qu'un pas, venu de Los Angeles, donc Deep Within, donc nous présentait son premier album éponyme, et on a eu le petit morceau Fractured, et il est bientôt 20h30 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, puisqu'il est déjà 20h26. Oh, c'est comme ça passe vite, comme on a de la bonne musique et qu'on est en bonne compagnie. C'est le cas de les mardis soirs. On change de style avec quelque chose de beaucoup plus blues, avec le nouvel album de Freddie Miller, Just Be Yourself, que je vous ai présenté la semaine dernière. Et on va y aller un peu tranquillou avec le morceau Give Me a Sign. Silence, tears of pain. 2 years of absence, tears of pain. How can you deal with the communication? No one to talk to, no interaction. When is the sunshine on our lives? Blind invitation, let's go. Survive, out of your tomb, and then you came out of the blue. You gave a name, communication. We'll be right back. Morningside, ça c'était Blackberry Smoke, extrait de leur avant-dernier album You Hear Georgia, sorti en 2021. Et Blackberry Smoke qui a sorti son nouvel album Be Right Here le 16 février dernier et qui normalement devrait être en concert à l'Olympia le 28 septembre prochain. Mais ça, c'est peut-être pas sûr parce que ben là, on a passé Blackberry Smoke parce que c'est en hommage à Britt Turner, leur batteur, qui est décédé donc dans la nuit de samedi à dimanche des suites d'un cancer, d'une forme agressive d'un cancer du cerveau. Alors voilà, je sais pas si le groupe aura le temps de retrouver un autre batteur pour nous venir nous rendre une petite visite d'ici là. Donc voilà. Donc en hommage à ce grand monsieur et puis de Blackberry Smoke que pour les avoir vus en concert, c'était en 2017 à la Maroquinerie. Bref, un groupe qui a tout pour être le successeur de Lynyrd Skynyrd, sans problème. Et juste avant Blackberry Smoke, c'était Freddie Miller avec son nouvel album Just Be Yourself. C'était le morceau Give Me a Sign. Maintenant, on va aller faire un petit tour en Suède, retrouver le groupe Sorcerer avec son Heavy Doom entre Candlemas et Black Sabbath époque Tony Martin. Avec son album qui s'appelle donc Reign of the Reaper, bah on va se faire tout simplement Reign of the Reaper. Reign of the Reaper, extrait donc de l'album du même nom, c'était donc les Suédois de Sorcerer. Maintenant, allons faire un petit tour en Angleterre, à Londres, à Islington Academy, en décembre 2006, le 19 décembre 2006 exactement, où Thunder délivrait un petit concert intimiste pour célébrer la fin de sa tournée. Et on va se faire le morceau, le grand classique avec lequel Thunder termine toujours ses concerts, une version particulière de Dirty Love, où le public est quasiment le sixième membre du groupe. Tiens, pour la petite histoire, d'ailleurs, Johnny Hallyday l'avait interprété en français sous le titre Amour Facile. Enfin bon, je préfère l'original, il n'y a pas à dire. Yeah. 50 people in the audience. Come downstairs. Any dirty people up there? Any dirty ones? Oh, now see. My eyes have fallen upon you. Oh, see me afterwards. That's it, power. Hands up, all you dirty people. Hands up. Does that mean the rest of you are virgins? Wave your fingers if you're a filthy beast. Wiggle your fingers. Wiggle them. Wiggle them more. Wiggle them harder. Show me. Oh, look at this. Dirty wiggling buggers, all of you. I love it. Keep wiggling. Keep wiggling. I alternate the wiggles by the arms. Shall we go? Wiggle. Up and down, up and down, up and down. Move them side to side. Wiggle them. Across, to the left and to the right, up and down, wiggle on. I love it. So now you're all lubed up, all juicy and moist. Easy to keep wiggling. And jump up and down. Oh, you look lovely. All you do, making me moist. Sing now. Can you sing and wiggle and jump? Do it. Da da da da da da da. Sing. Da da da da da da da. Da da da da da da. Sing it. Da da da da da da. Da da da da da da. Jump up and wiggle. Da da da da da da. Splendid. Dirty Love, extrait du live at Islington Academy de Thunder, un des derniers lives sortis fin janvier. Eh bien, on a le temps de se faire un dernier morceau et ce sera donc la dernière nouveauté de la soirée. Et c'est quand même une grosse nouveauté puisqu'il s'agit du 7e album solo de Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden. Et son précédent datait quand même d'il y a presque 20 ans, puisque Tyranny of Souls naît de 2005. Il nous a décoté une offre vraiment un concept album, plus ou moins, développé à partir de comics, enfin un truc très intéressant, qui s'appelle The Mandrake Project, et c'est sorti vendredi. Alors, si vous êtes familier de ses œuvres solo, je pense principalement à The Chemical Wedding et Balls to Picasso, vous ne serez pas dépaysé. Par contre, si vous attendez à un revival Maiden, alors là, vous allez être quand même très déçu parce que on peut comprendre dans ces cas-là pourquoi il a fait ça en dehors de son groupe fétiche. Bon, il y a un morceau qui figure sur la, qui à l'origine, qui est sur The Book of Souls, le précédent album d'Iron Maiden, qui s'appelait If Eternity Should Fail. Si vous vous rappelez, c'était le morceau d'ouverture. En fait, à l'époque, c'était déjà pour son album solo, mais Steve Harris avait trouvé tellement bon qu'il a dit « je le veux pour l'album ». Et donc là, sur cet album, vous retrouverez la version telle qu'elle devait être à l'origine. Enfin, en attendant, c'est pas ce morceau-là qu'on va se mettre ce soir, c'est le morceau « Rain on the Graves », qui est « Rain on the Graves », qui est son dernier single. Hey! because you are what I have made. You're talking to your likeness and my shadow is your shade. Stand up and face the mirror, it's the image that you crave. But I'll be here when you're long gone, I'll see you in that grave. Rain on the Graves de The Bruce Dickinson, extrait de The Mandrake Project. C'est la dernière nouveauté, également le dernier morceau donc de la soirée. Ça, croyez-moi, du Bruce Dickinson, on va en avoir des semaines qui suivent. C'est un album qui se doit vraiment d'être apprivoisé, c'est clair. Eh bien, Electric Shock, c'est fini pour ce soir. Mais bon, la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, puisque l'ami Christophe et Electro Live est là. Je ne sais pas ce qu'il a à nous proposer ce soir. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Un set house ce soir, avec pas mal de nouveautés. Ah, donc voilà. Donc, restez bien branchés. Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.